Vous écoutez la radio des éditions de l'Avenir. Vous écoutez la radio des éditions de l'Avenir. Les éditions de l'Avenir présentent Agent de l'OMU, une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans la Gazette de Terrania et Basis hors série numéro 4. Christian Martin à la narration. Prologue. Ce récit se passe en 2357, pendant la période de calme relatif qui se situe entre la victoire sur les Bleus et l'affrontement contre les maîtres insulaires. Après l'enlèvement de Peri Raden, d'Atlan et de Bouli par les Plophosiens d'Iratio Andro, l'Empire Uni s'est désagrégé et a été dissous par le Stellark dès son retour à Terrania. Il convient dès lors de tout recommencer pour recréer des alliances ou, pour au moins, se tenir au courant des risques de sécession et de tenter de limiter les dégâts. Depuis plus de deux siècles, un vaste réseau de renseignements a été mis en place par les responsables de l'Organisation des Mondes Unis sur le modèle de celui mis jadis sur pied par le maréchal solaire Alan D. Mercant, chef des services secrets et de défense de l'Empire. S'implanter discrètement sur un maximum de planètes pour en suivre l'évolution est l'un des objectifs fixés aux membres de la prestigieuse OMU. La tâche de ces honorables correspondants consiste à surveiller et à tenir informé le central de l'organisation, situé sur OMU-1, appelé aussi Centre Quinto, en mémoire du colonel qui avait créé la fameuse section 3. D'autres agents de l'OMU se chargent des missions sur le terrain, souvent au péril de leur vie. Mazas Pavel est l'un de ces agents. Vous écoutez la radio des éditions de l'Avenir. Les éditions de l'Avenir présentent Agents de l'OMU, une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans la Gazette de Terrania et Basis hors série numéro 4. K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Mario Fecteau dans le rôle de la Sentinelle, Fred dans le rôle d'Atlan, Christophe dans le rôle de Stevomir Hirsing et Christian Martin à la narration. Chapitre 1er. Dans l'enfer de l'Opus 4. Le Lord Amiral m'attend. La sentinelle fixa la jeune femme qui se trouvait devant lui, le visage bronzé, éclairé par des yeux pailletés d'or et nimbé par une chevelure quasiment blanche. L'homme nota le nez droit, la bouche souriante et le menton énergique, ainsi que la silhouette svelte et musclée, moulée dans une sobre combinaison grise et noire. Machinalement, il s'enquit. « Vous êtes Mazas Pavel ?» Son interlocutrice hocha la tête. Le soldat s'écarta et ouvrit la porte devant laquelle il était en faction. Tandis qu'il refermait derrière elle, il ne put s'empêcher de penser. « Jolie fille, mais elle ne doit pas être commode. » Assis derrière un bureau recouvert d'une multitude d'écrans, Atlan leva la tête et accueillit sa visiteuse avec un sourire. Il lui désigna un fauteuil. « Asseyez-vous, Mazas. » La jeune femme se laissa couler souplement sur le siège et contempla le chef de l'OMU d'un air interrogateur. « Vous désiriez me voir, monsieur ?»« Oui, Mazas. J'ai une mission à vous confier. »« Avec plaisir. Je commençais un peu à me lasser de la vie de bureau. » Atlan éclata de rire. Mais cela fait à peine 3 semaines que vous êtes rentré de Terkal. Vous n'avez pourtant pas eu un séjour de tout repos. La jeune femme esquissa une ébauche de sourire et passa machinalement la main sur son avant-bras gauche qui avait été sérieusement brûlé par une rafale de pistolet thermique lors de son passage sur Terkal. Mais la science arcanide faisait des miracles pour ce genre de blessure, et celle-ci n'était plus qu'un mauvais souvenir. Le patron de l'OMU entretenait des relations pleines de cordialité avec ses agents, et il avouait avoir un petit faible pour Mazas. Il connaissait parfaitement son histoire. La jeune femme, alors qu'elle n'était qu'un bébé vagissant, avait été recueillie et adoptée par un mercenaire cardassien qui monnayait alors ses talents de guerrier sur une planète des mondes de la frange appelée Mazas, d'où le nom donné à l'enfant trouvé. Le capitaine Pavel et sa section étaient arrivés trop tard pour sauver les habitants d'un bourg assiégé par une horde de pirates. Parmi les demeures en flammes, ils n'avaient pu retrouver qu'une petite fille en pleurs. Pavel, qui avait déjà 7 garçons, avait décidé que cet enfant serait la fille qu'il n'avait jamais eue. Élevé sur un monde rude, à la gravité de 1,4G, dans une famille de mercenaires où la force de caractère et la force physique primaient sur toute autre considération, la fillette avait rapidement appris à se battre et à vaincre. Sa vie au grand air et le contact de ses frères avaient contribué à en faire une athlète complète, aux cheveux presque blancs, l'exposition prolongée au soleil local décolorant tout système pileux. D'abord fermière, comme le souhaitait sa mère adoptive, elle s'était rapidement orientée vers le métier des armes et spécialisée dans le combat rapproché. Ceux qui s'étaient gaussés de ses prétentions à égaler les figures masculines du coin n'avaient pas tardé à déchanter. Il restait même à certains de ses sceptiques des séquelles indélébiles de leur rencontre avec elle, sans parler des blessures d'amour propre. C'est au cours d'une opération de nettoyage effectuée par Mazas et une troupe de mercenaires cardassiens qu'Atlan avait fait la connaissance de la jeune femme qui avait eu l'occasion de sauver Melbar Kassom, pris sous le feu d'individus bien décidés à avoir la peau du colosse étrusien. L'ex-empereur d'Arconis avait été conquis par cette jeune femme qui en remontrait à bien des hommes. Et quand il lui avait proposé de rejoindre les rangs de l'OMU, elle avait accepté sa proposition après en avoir parlé avec ses frères. Depuis, elle avait mené à bien bon nombre de missions particulièrement épineuses. Le Lord Amiral secoua la tête, repoussant d'un coup les souvenirs qui affluaient à sa mémoire. « Ma chère amie, j'ai quelques soucis sur Tarsus. Ce monde, qui fait partie du Grand Empire, montre des velléités d'indépendance depuis quelque temps. Il n'est malheureusement pas le seul. Mais dans le cas présent, je soupçonne une intervention occulte de la secte de Balol. Il faut dire que Tarsus est un véritable avant-poste de l'Empire et que sa perte serait stratégiquement très lourde pour Arconis, mais également pour Terrania. Il manquerait alors le verrou qui ferme l'accès au cœur de l'Empire et plus rien n'empêcherait les Antilles et leurs alliés francs-passeurs de s'y précipiter et d'inciter les peuples encore loyaux à faire sécession. Vous voyez donc l'importance qu'a ce monde dans notre sphère d'influence. Depuis quelque temps, les agents en poste sur Tarsus m'avaient alerté, mais sans pouvoir me présenter de preuves formelles de cette intervention des Antilles. J'ai donc décidé d'envoyer sur place une personne dont je connaissais et appréciais les qualités. Goral Tosef, le fils d'un des derniers généraux non atteints par la décadence arconide. Mazas écoutait avec attention l'exposé de son chef. Quand il s'interrompit quelques instants, elle se contenta d'attendre la suite sans rien manifester de ses sentiments. J'ai reçu un rapport quotidien pendant 3 jours. Et subitement, plus rien. Une enquête discrète effectuée par nos agents montre que, Du jour au lendemain, Graal s'est volatilisé. Je crains que, malgré sa prudence et son expérience, il n'ait été repéré par nos ennemis et mis hors d'état de nuire. Pensez-vous qu'il ait été supprimé ? Cela a été ma première pensée, même si son corps n'a pas été retrouvé. Cependant, une conversation surprise par un de mes hommes dans un bouge de l'astroport permet de supposer qu'il est toujours vivant, mais détenu dans le pénitencier de l'Upus 4, l'enfer carcéral des Antilles. Comme Mazas esquissait une moue d'ignorance, Atlan expliqua. Je vois que vous ne connaissez pas l'Upus 4. Eh bien, imaginez un monde entouré d'une ceinture cyclonique, balayé au sol par des vents soufflant quasiment en tempête. Et pour rendre le séjour un peu plus idyllique, il tombe régulièrement une pluie acide, capable de vous peler la peau en moins d'une heure. Je sens que je vais aimer, parce que j'imagine que vous allez me demander de le faire sortir de là, s'il y est. Le Lord Amiral hocha la tête. Je n'ai pas l'intention de vous forcer à y aller. J'aurais souhaité utiliser les talents de certains membres de la milice des mutants, mais le Stellarque de Sol les a déjà engagés dans un conflit à l'autre bout de la Voie lactée. Et nous sommes pressés par le temps. Car je ne pense pas que Goral puisse résister très longtemps au traitement que les Antilles ne vont pas manquer de lui faire subir. Or, ce garçon connaît une partie des derniers plans prévus pour remédier à la soif de liberté des colonies Arconides. De toute manière, quelle que soit votre décision, j'aurai toujours pour vous la même considération. Pourquoi n'envoyez-vous pas une flotte de l'OMU ? Les Antilles ne devraient pas résister très longtemps. D'une part, je n'ai pas l'intention de déclencher un conflit ouvert avec la secte de Baalol, car il s'agit d'une puissance non négligeable, et que j'ai déjà suffisamment de soucis par ailleurs. Et d'autre part, les geôliers risquent de supprimer tous leurs prisonniers en cas d'intervention musclée de notre part. Mazas se mordilla la lèvre inférieure avant de demander « Comment les prisonniers sont-ils amenés sur l'Upus 4 ?»« Soit par transmetteur, soit par vaisseau de fort tonnage. » »« Bien, je suis d'accord pour y aller, mais il va falloir me trouver une petite nef très solide et un pilote sacrément pointu pour m'y faire accéder discrètement, car je ne pense pas qu'on me laissera emprunter le transmetteur. » J'ai ce qu'il vous faut. Atlan appuya sur une touche de son bureau. Sergent, pourriez-vous faire entrer Monsieur Hirsing ? Tout de suite, amiral. La porte s'ouvrit, et un grand gaillard svelte, à la tignasse brune indisciplinée, vêtu d'une combinaison kaki, fit son entrée. Il salua d'un bref signe de tête, et s'installa sans un mot sur le siège que lui désignait l'empereur d'Arconis. Celui-ci fit des présentations d'un ton ironique. Ma chère Mazas, je vous présente Stevomir Hirsing, un commerçant, tel qu'il se définit lui-même. Mais en fait, un contrebandier de talent, qui ne peut rien me refuser, n'est-ce pas ? Et qui, de surcroît, est le meilleur pilote civil que je connaisse. Et voici Mazas Pavel, que vous êtes chargé de déposer sur l'Upus 4 et de ramener, évidemment. Une moue tordit la bouche de l'homme qui s'exclama sur un ton de reproche. « Monsieur, non seulement vous m'expédiez dans l'antichambre de l'enfer, mais en plus vous me chargez de veiller sur une fille. » La remarque déclencha l'hilarité d'Atlan. Mon pauvre Stevomir, si quelqu'un doit veiller sur l'autre, je peux vous assurer que ce serait plutôt l'inverse. Un air incrédule apparut sur le visage du contrebandier. Puis, il contempla la jeune femme, dont l'œil brillait d'une lueur ironique, secoua la tête deux ou trois fois, avant de lâcher du bout des lèvres. « Bon, supposons que je n'ai rien dit. Veuillez m'excuser, madame. »« Appelez-moi Mazas, puisque nous sommes amenés à cohabiter un certain temps. »« D'accord, Mazas. Moi, c'est Steve. »« Voilà qui est parfait. » énonça le chef de l'OMU en se levant. « Vous avez 12 heures pour faire connaissance avant d'embarquer pour l'Upus 4. » Et saisissant un dossier qui se trouvait sur son bureau, il le tendit à Mazas en lui disant « Vous avez là-dedans tous les renseignements que nous possédons sur cette planète Bagne. C'est plutôt maigre, mais c'est toujours mieux que rien. Bonne chance à tous les deux. » down to get you in a taxi, honey. Oh, please be ready about 8:30. Oh, honey, don't be late, 'cause I wanna be there when that band starts playing. Remember when we get there, honey, two steps, I'm gonna have them all. Gonna dance out both of my shoes. Have mercy when they play Jelly Roll Blues. Tomorrow night at the dark town Strutter's Ball. Yes, I'll be down to get you in a taxi, honey. Please be ready about 8:30. Oh, honey, don't be late. I won't be there when the band starts playing. Remember when we get there, honey, two steps, I'm gonna have them all. Gonna dance out both of my shoes when they play the Jelly Roll Blues. Ah, tomorrow night at the dog town. Talk to me, lay it on me this time. I said I'll be down to get you in a taxi, honey. Please be ready about 8:30. Oh, honey, don't be late. I got to be there when that band starts playing. Remember, when you get there, honey, two steps, I'm gonna have them all. Gonna dance out both of my shoes when we play the Jelly Roll Blues. High tomorrow night at the downtown laying on practical. I say I'll go down, get you in a taxi, honey. Please be ready 8:30. Oh, don't be late, I want to be there when the band starts playing. Remember, when we get there, honey, two steps, I'm gonna have them all. Gonna dance out both of my shoes when they play the Jelly Roll Blues. Oh, tomorrow night, don't stop, play it, Gerald. Come on, come on, yeah. Tomorrow night. Vous écoutez la radio des éditions de l'Avenir. Les éditions de l'Avenir présentent Agent de l'OMU, une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans la Gazette de Terrania et Basis hors série numéro 4. Christian Martin à la narration, K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Christophe dans le rôle de Stevomir Hirsing, Mario Fecto dans le rôle de l'agent de la tour de contrôle et Kael dans le rôle de Corton Nagez. Chapitre 1, deuxième partie. Quelques minutes de conversation suffirent à Steve pour se rendre compte que son appréciation initiale de sa passagère était tout à fait erronée. Mais il savait reconnaître ses erreurs, et Mazas était tellement habitué à ce genre de réaction machiste. Quand vous avez été élevé avec 7 frères destinés au métier des armes, vous êtes blindé côté susceptibilité. Que la paix fut rapidement signée. À présent, réunis dans le poste de pilotage du vaisseau de Stevomir, le cœur de Fomalho, une nef de 25 mètres de long pour un diamètre maximum de 6, les deux jeunes gens devisaient amicalement en attendant le décollage. Près d'eux, enfoncé dans le fauteuil de copilote, une sorte de gnome à la laideur sympathique les écoutait en souriant. Corton Nagez s'était attaché à Stevomir lorsqu'ils avaient 12 ans, et depuis, ils étaient inséparables. Dis-moi, Steph, pourquoi le Lord Amiral a-t-il dit que tu ne pouvais rien lui refuser? Le pilote jeta un coup d'œil à son ami, qui l'encouragea du regard. Je me suis fait coincer par les douanes de Tarsus alors que je transportais un chargement de Cyrtil. Quoi? Cette saloperie? Tu sais que c'est puni du bagne à perpète, si tu parviens à échapper à la chambre de désintégration. Oui. Mais tu es complètement malade. Que veux-tu? Ça paye bien. Avoua le jeune homme, l'air un peu penaud. Tu parles, une vie contre une poignée de solars. Des millions de solars, rectifia Stevomir d'une petite voix. Ouais, en tout cas, si j'ai bien compris, tu as eu le choix entre passer ta vie entre quatre murs et m'amener sur Lupus 4. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui t'empêche de filer à l'autre bout de la galaxie? D'une part, la parole donnée. Et d'autre part? Les services de sécurité de l'OMU ont pris mon empreinte psychique. Ils sont capables de me retrouver tôt ou tard, où que je sois planqué. Avoua le jeune homme avec une moue dégoûtée. Mais Atlan m'a promis de la faire détruire si je mène cette mission à bien. C'est un homme de parole. Tu peux lui faire confiance. Mais pourquoi t'avoir choisi toi? La flotte de l'OMU ne manque ni d'astronefs, ni de pilotes. C'est vrai. Mais moi, je suis déjà descendu à plusieurs reprises sur Lupus 4. Dieu du ciel! Mais pour quelle raison? Le jeune homme se gratta la gorge à plusieurs reprises avant d'avouer. Il y a une mine très riche en Cyrtil, et je faisais des affaires avec les gardiens du bagne. Mazas secoua la tête d'un air incrédule. Il faut que je rectifie ce que je disais. Tu n'es pas malade. Tu es complètement fou. Corton Nagez éclata de rire. Enfin quelqu'un qui te voit sous ton vrai jour. L'intercom évita à Steve de répondre. Cœur de Folmao, autorisé au départ dans une minute. Et tandis que le compte à rebours s'égrenait, le pilote se glissa sur son siège, boucla son harnais et posa les mains sur les commandes. Mazas s'installa au poste radio et fixa sa ceinture de protection. Paré! Sur la réponse affirmative de ses deux compagnons, il enclencha les antigés au moment où retentissait le tap. Sans un seul à-coup, le petit vaisseau quitta le sol. 10 minutes plus tard, il passait dans l'entre-espace. Le vol vers l'Opus 4 fut sans histoire. C'est maintenant que les réjouissances vont commencer. Si tu t'y es déjà posé plusieurs fois, tu ne devrais pas avoir de problème particulier. Détrompe-toi, ma jolie, car à chaque fois que je suis venu, j'étais attendu et guidé depuis le sol. Mais aujourd'hui, il va falloir se passer de guidage et trouver en plus un lieu abrité des regards pour le navire. Et il vaudrait mieux qu'en plus, il ne soit pas trop éloigné de la prison. Une vraie sinécure. Bon, considère que je n'ai rien dit. Mais il faut que tu saches que je ne suis pas ta jolie. C'est noté, ma... La danse va commencer, alors attachez-vous solidement. Corton et la jeune femme s'exécutèrent avec diligence, bloquant la rotation des sièges pivotants, fixant soigneusement les sangles magnétiques et insérant la nuque dans la coquille protectrice de la pute-tête. Si tu es croyante, tu peux toujours adresser une prière à ton dieu. Son aide ne sera pas superflue. Hélas, aucune divinité n'a eu le courage de me faire la cour, si bien qu'aucune d'entre elles n'a de réalité pour moi. Alors, crois en moi, il ne te reste plus que ça. L'instant d'après, le petit vaisseau sembla pris de folie. Il se cabra, frémit, se renversa, gémit, descendit en chute libre, avant d'être à nouveau projeté en altitude. La coque vira au rouge et dégagea des panaches de fumée. À l'intérieur, la chaleur commença à se faire sentir, en dépit du surfonctionnement de la machinerie d'air conditionné. La sueur coulait sur le visage de Steve O'Meara sans qu'il puisse prendre le temps de l'essuyer. Parfois, sa vue se brouillait et il devait rapidement cligner des yeux pour l'éclaircir. L'enfer dura une vingtaine de minutes environ, pendant laquelle Mazas crut souvent sa dernière heure venue. Jamais elle n'avait vécu un voyage pareil. Il est vrai que les astronefs auxquels elle était habituée étaient d'un autre tonnage que le petit cœur de Pomalo. Une fois encore, le pilote réussit à se poser sans dégâts sur l'Opus 4 et à glisser le vaisseau dans un profond canyon dont l'une des falaises formait un surplomb. Épuisé, mais le regard brillant de contentement, il s'adressa à la jeune femme avec une fausse désinvolture. Alors, comment as-tu trouvé la balade ? Épouvantable. Je n'aimerais pas remettre cela. Pourtant, il faudra bien repartir. Et il éclata de rire devant la grimace de Mazas. Bon, à présent, il va falloir jouer à cache-cache avec les flics du coin. Ici, je pense qu'ils ne trouveront jamais le vaisseau, mais cela nous obligera à utiliser les propulseurs dorsaux de nos combinaisons de combat. Cela m'obligera à utiliser mon propulseur dorsal. Rectifia Mazas d'une voix douce. Il l'attrapa par le poignet et le regretta aussitôt. Elle se dégagea d'une brusque torsion qui faillit lui arracher la main et fit deux pas en arrière. « Excuse-moi, je ne voulais pas te froisser, mais je tiens à te dire que tu ne retrouveras pas le vaisseau sans mon aide à ton retour de la prison. Je te rappelle que je connais cette satanée planète mieux que toi. C'est la septième fois que je m'y pose. Alors crois-moi, même équipé d'un micro-guide branché sur le central du cœur de Fomalo, tu as toutes les chances de t'égarer. Il y a trop de parasites et de turbulences. » Mazas était du genre louve solitaire, mais elle était très réaliste. Aussi, elle se rendit assez rapidement aux arguments de son compagnon, à la grande surprise de celui-ci. « D'accord, tu m'accompagnes. Mais je ne vois pas pour quelle raison tu veux risquer ta peau dans une affaire qui ne te concerne pas. Tu as rempli la part du marché que tu as passée avec le Lord Amiral. » « Tu oublies que je suis aussi censé te ramener avec la personne que tu vas libérer. » « Si je ne suis pas de retour dans 24 heures, tu es libre de repartir sans moi. » « 24 heures, c'est long. Chaque heure passée sur cette foutue rocaille augmente nos chances d'être découverts. Si je viens avec toi, on gagnera probablement du temps et on pourra s'éjecter plus tôt. » « À moins que tu ne me retardes. » « Et dire que je fais peut-être cela pour tes beaux yeux. » Ils éclatèrent de rire et commencèrent à s'équiper, enfilant des combinaisons de combat légères mais très résistantes, dotées d'un écran de champ de force, tandis que Corton concluait Et comme d'habitude, c'est moi qui garde le vaisseau. Personne ne s'est seulement jamais posé la question de savoir si j'appréciais de rester seul sur ce caillou pourri pendant que les autres gambadaient à l'extérieur. Vous écoutez la radio des éditions de l'Avenir. Les éditions de l'Avenir présentent L'affaire Blaireau, pièce audiophonique adaptée du roman d'Alphonse Allais par Christian Martin. Bonsoir, parjure, rien de neuf ? Rien de neuf, monsieur le maire. Parfait. Sachez que cela continue. S'il n'y a rien de neuf d'ici la fin de l'année, je vous ferai avoir une gratification. Ouvrez l'œil et le bon, la nuit comme le jour. Faites des rondes, parjure. Faites des rondes de jour, faites des rondes de nuit surtout. Bonsoir, parjure. Bonsoir, monsieur le maire. Vous pouvez dormir tranquille. Je ferai des rondes comme s'il en pleuvait. Je vais commencer par en faire une cette nuit. La nuit est sombre et plus silencieuse encore. Hein? Voici la propriété des Chavilles. Oh, Oh, quelqu'un ? Il s'apprête à escalader le mur. Je te tiens, bougre de Galvo 2. Ah ! Eh bien, parjou, vous en faites une tête. Que vous est-il arrivé ? Ah, monsieur le maire, une honte. Une vraie honte. Comme vous me l'aviez ordonné, j'effectuais une ronde de nuit quand, près de la propriété des Chavilles, j'ai voulu arrêter un galvaudeux. Mais le bandit a résisté et s'est enfui avec ma plaque de garde champêtre. Ma plaque, monsieur le maire. Une honte. Ça, c'est du blaireau tout pur. Coffrez-moi ce braconnier de blaireau. Mais, monsieur le maire... Il n'y a pas de monsieur le maire. Coffrez-moi blaireau au plus vite. Mais enfin, arrêter un homme contre lequel ne se dresse aucune charge sérieuse, c'est grave. Suis-je le maire de Montpaillard ou c'est vous, parjou ? C'est vous, monsieur le maire, qui êtes le maire. Eh bien alors, coffrez-moi hélico blaireau, vous dis-je. Il n'y a que blaireau dans la commune capable d'avoir fait un si mauvais coup. Bien, monsieur le maire. Allez, parjou. Faites votre devoir, je me charge du reste. Silence dans la salle. Blaireau, comment plaidez-vous ? Non coupable, monsieur le président. D'ailleurs, j'ai un alibi. Les protestations d'innocence et les alibis, voilà à quoi nous reconnaissons les coupables de profession. D'ailleurs, parjou vous a positivement reconnu comme son agresseur. Blaireau, le tribunal vous condamne à 3 mois de prison. Nom de Dieu, de bon Dieu, de tonnerre de Dieu ! C'est trop fort à la fin ! Votre mauvaise humeur, Blaireau, ne perdrait rien à s'exhaler en termes moins blasphématoires. Un mot encore, Blaireau. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le tribunal aurait été heureux de vous faire bénéficier de la loi Béranger, mais il a pensé que, de vous-même et depuis trop longtemps, vous vous étiez appliqué plus de sursis que la magistrature tout entière de notre pays ne saurait vous en accorder. Comment cela ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je m'explique. Malgré tous vos méfaits intérieurs, c'est la première fois que vous vous trouvez en réel contact avec la justice. Des méfaits ? J'ai commis des méfaits, moi ! Jamais de la vie. Ce n'est pas à moi, mon cher Blaireau, qu'il faut venir raconter ces sornettes. À moi, qui plus de 20 fois vous ai acheté du gibier en temps prohibé. Gendarme, amenez le condamné. Entrez. Ah, notre nouveau pensionnaire. Approchez, mon ami, et asseyez-vous. Dites-moi, mon ami, que faisiez-vous avant votre condamnation ? Je bricolais, monsieur le directeur. Eh bien, mon ami, vous continuerez à bricoler ici. Dans une prison, il y a toujours de quoi occuper un homme qui bricole. Entendu, monsieur le directeur. Je bricolerai de manière à vous donner toute satisfaction. J'espère, mon cher Blaireau, que pendant les 3 mois que le gouvernement de la République vous confie à mes soins, nous n'aurons ensemble que d'excellents rapports. Je compte bien aussi, monsieur le directeur. Et puis, je vous promets que vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Aimez-vous le gibier ? Blaireau, notre conversation prend un tour brûlant. Abordons un sujet moins dangereux. Ainsi donc, mon cher ami, vous avez battu un garde champêtre. C'est très drôle, savez-vous. C'est très drôle, en effet, monsieur le directeur. Mais ce qui est moins drôle, c'est que je n'ai battu personne et que j'ai été condamné tout de même, car, tel que vous me voyez, monsieur le directeur, je suis innocent. Ah non, Blaireau, je vous en prie. Ne me la faites pas à l'erreur judiciaire. Vous cesseriez de m'intéresser. Alors bon, c'est entendu. J'ai fiché une volée au père parjou, je lui ai arraché sa plaque et tout. Voulez-vous que j'avoue aussi que j'ai assassiné Louis XIV pendant que j'y suis ? Moi, ça m'est égal. Placide, Mademoiselle Arabella ? Y a-t-il du courrier pour moi ? Non, mademoiselle. Mais pourquoi ne m'écrit-il plus ? Que s'est-il passé ? Pendant des semaines, il m'envoie ses brûlantes missives à raison de 2 ou 3 par semaine, et soudain, plus rien. S'est-il tué comme il menaçait de le faire, mon mystérieux adorateur ? Sa première lettre, je l'ai apprise par cœur. Mademoiselle, il est de la dernière urgence que vous le sachiez. Il y a un homme qui vous aime dans l'ombre. Un désespéré. Que s'est-il donc passé ? Mademoiselle, mademoiselle de Chaville. Monsieur le maire, belle journée, n'est-ce pas ? En effet. Et je suis fier de vous annoncer que l'ordre, qui n'a jamais cessé de régner, règne à nouveau à Montpaillard. Nous avons arrêté Blaireau. Le scélérat a tenté de gravir nuitamment le mur du parc de la propriété de votre cousin. Qui sait les méfaits qu'il aurait commis s'il y était parvenu ? Mais vous pouvez dormir tranquille désormais. Il est enfermé à la prison de Montpaillard pour 3 mois. Merci, monsieur le maire. C'est là une nouvelle réconfortante. Bien le bonjour, mademoiselle de Chaville. Bonne journée, monsieur le maire. Le maire s'égare sur une fausse piste. Ce n'est pas pour mal faire que ce blaireau tentait de gravir le mur du parc, mais pour me voir. J'en suis certaine. Blaireau, le braconnier, est mon mystérieux correspondant. D'ailleurs, dans une des dernières lettres que j'ai reçues, n'était-il pas écrit « Les murs du parc ne m'arrêteront pas ?» Et puis, la cessation de la correspondance est survenue au moment de l'arrestation de Blaireau. Blaireau, un braconnier. Je ne peux pas l'aimer, certes, mais je ne l'abandonnerai pas. Il serait odieux que je ne m'intéresse pas au sort d'un garçon qui a été condamné à cause de son amour pour moi. Je dois adoucir sa captivité, d'autant plus qu'il a été d'une discrétion admirable et qu'il s'est laissé condamner quand il n'aurait eu qu'un mot à dire. C'est dommage qu'il ne soit pas gentilhomme. C'est décidé. Aussitôt rentré, je lui fais parvenir un panier garni de victuailles délicates, de 10 bouteilles de vin et de cigares exquis. Qu'est-ce que c'est ? Un pli pour vous, madame. Entrez, Augustine. Donnez. Chère amie, blablabla, soyez assez bonne de patienter encore un peu, blablabla. Je me trouve si bien à la campagne, chez mon vieux camarade de Chaville, blablabla. Et puis, les jeunes filles de la province, c'est très gentil. Ça vous change un peu du jardin de Paris, n'est-ce pas ? Et du bois de Boulogne, et du palais de glace, de Houpertuis. Ah, tu aimes le changement, vieux serin ? Eh bien, moi aussi. Ah, tu te trouves bien, mon paillard. Eh bien, moi aussi, je vais y aller. Justement, j'y connais quelqu'un. Augustine ! Madame ? Préparez-moi une malle, une petite, pour quelques jours seulement. Rien que des choses simples. Bien, madame. Une tenue sobre et de rigueur pour aller où je vais. En prison. Oh, que ça va être drôle, mon Dieu, que ça va donc être drôle. Mais informons mes 2 correspondants de mes intentions. Monsieur le baron de Houpertuis, chez monsieur de Chaville, à Montpaillard, Nord et Cher. Mon cher ami, vous retardez, me dites-vous, de quelques jours votre rentrée à Paris. Cela ne saurait tomber mieux à pic, car je reçois à l'instant de fâcheuses nouvelles de la santé de ma tante de Melun, assez fâcheuses pour que je me décide à aller passer plusieurs jours au chevet de ma bonne vieille parente. Embrassez-moi sur le front, en évitant de me décoiffer. Delphine de Cerquigny. En voilà une de faite. À l'autre maintenant. Monsieur Bluette, directeur de la prison de Montpaillard, Nord et Cher. Mon vieux loup chéri, qu'est-ce que tu dirais si ta petite Alice rappliquait demain dans ton administration ? Tu serais bien content, dis. Et puis, je te dois bien ça entre nous. À demain donc, vieux loup. Un télégramme bien senti te dira l'heure de mon arrivée. Ta petite pintade au gratin, Alice. Augustine ? Madame ? Vous ferez jeter ces deux lettres à la poste. Bien, madame. Et puis, je lui dois bien cela. N'oubliez pas, monsieur le directeur, mes 3 mois sont presque finis. C'est demain que je dois sortir. Je n'oublierai pas, mon cher ami. Mais avouez tout de même que votre séjour ne fut pas si pénible. Vous avez jardiné, entretenu mes fusils, soigné les chiens, fabriqué ces 1000 engins subtils qui servent à la vénerie ou à la pêche, tels que pièche, filet, bertavel, nasse, rissole, vredel, tonnelle, bouquetou, gluot, épervier, panneau, seine, drège, pouzeau, panthière, contre-bougre, libouré, gangueuil, etc. Quelquefois même, je vous ai prié d'aller me pêcher quelques goujons ou autres dans la petite rivière qui coule en bas du jardin directorial. Je sais, monsieur le directeur, je sais. Je ne peux pas dire que je n'ai jamais eu l'idée d'en profiter, mais je suis une homme loyal, moi, monsieur le directeur, et je suis toujours rentré à l'heure dite. Et je ne vous en apprécie que plus, mon cher blaireau. Placide! Madame ? Vous pouvez desservir. Bien, madame. Ce n'est pas trop tôt. J'ai cru qu'il n'en finirait pas. Un verre de fine champagne ou de chartreuse ? Va pour la chartreuse. Ça fait du bien par où ça passe. Voyons un peu cette très vieille eau de vie. Tiens, voici Monsieur Fléchard qui traverse le jardin et qui se dirige vers la véranda. Toujours d'aspect souffreteux celui-là, et pas riche. Pourtant, il est méticuleusement propre et non dépourvu d'élégance. Bonjour, Baptiste. Pardon, monsieur Fléchard, pas Baptiste. Cela ne vous fait rien, mais Placide. Je m'appelle Placide. Ce détail me paraît sans importance, mais... Puisque vous semblez y tenir... Bonjour, Auguste. Comment allez-vous ? Décidément, monsieur Fléchard, vous faites un fier original. On fait ce qu'on peut, mon ami. En attendant, veuillez prévenir mademoiselle Arabella de Chaville que son professeur de gymnastique... est à sa disposition. Son professeur de gymnastique ? Ah, monsieur Fléchard, vous pouvez vous vanter de m'avoir fait bien rigoler le jour où vous êtes présenté ici comme professeur de gymnastique. La chaleur. Un petit verre de quelque chose, monsieur Fléchard ? Merci. Je ne bois que du lait. Un cigare, alors ? Ils sont épatants, ceux-là, et pas trop secs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, monsieur Fléchard. J'adore les cigares légèrement humides. Du reste, à la Havane, où ils sont connaisseurs, comme de juste, les gens fument les cigares tellement frais qu'en les tordant, ils sortent du jus. Saviez-vous cela ? J'ignorais ce détail, lequel m'importe peu du reste, car moi je ne fume que le Nihil à cause de mes bronches. Eh bien moi, je ne fume que les Puros à monsieur. Cela vaut mieux que les Purotinos que vous pourriez vous offrir vous-même. Farceur, va ! Et mademoiselle Arabella, Victor, quand prendrez-vous la peine de l'aviser de ma présence ? Mademoiselle Arabella joue au tennis en ce moment, avec les jeunes gens et les jeunes filles. C'est la plus enragée du lot. Et il folle, va. Je vous serai obligé, mon garçon, tout au moins devant moi, de vous exprimer sur le compte de mademoiselle Arabella en termes respectueux. Mademoiselle Arabella n'est pas une vieille folle, elle n'est ni folle, ni vieille. Je n'ai tout de même plus un bébé, 33 ans. Elle ne les paraît pas. Là est l'essentiel. Alors, vous croyez que mademoiselle Arabella ne prendra pas sa leçon de gymnastique aujourd'hui ? Puisque je vous dis que quand elle est au tennis, on pourrait bombarder le château, que ça n'arriverait pas à la déranger. Alors tant pis. Retirons-nous. Bonjour, monsieur. Je vous salue. Dites-moi, Placide, le facteur n'est pas encore venu ? Pas encore, monsieur le baron. Excusez-moi. Monsieur le baron de Haut-Pertuis, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Comment ? Attendez que j'ajuste mon monocle. Comment vous ici, mon bon Fléchard ? Du diable si je m'attendais à vous rencontrer dans ce pays ! Je suis une épave, monsieur le baron. Et vous savez que les épaves ne choisissent pas leur séjour. Ah, c'est juste. Les épaves ne choisissent pas leur séjour. C'est fort juste. Mais dites-moi, il y a donc quelqu'un chez les Charvis qui apprend le hollandais ? Le hollandais ? Pourquoi le hollandais ? Mais il me semble que quand j'ai eu l'avantage de vous connaître... Par ma foi, monsieur le baron, je n'y pensais plus. Cet épisode de mon existence m'était complètement sorti de la mémoire. En effet, je me rappelle maintenant à merveille. Quand j'eus l'honneur de faire votre connaissance, j'enseignais le hollandais à une demoiselle. Ah, la belle Catherine d'Arpajon. Ah, quelle jolie fille. Ah, la matine. À ce propos, Fléchard, dites-moi donc, quelle étrange idée avais-tu, Catherine, d'apprendre le hollandais ? Le hollandais n'est pas une de ces langues qu'on apprend sans motif grave. C'est toute une histoire, monsieur le baron, et que je puis vous conter maintenant sans indiscrétion. Catherine d'Arpajon avait fait connaissance aux courses d'Auteuil d'un riche planteur fort généreux, mais qui ne savait pas un mot de français. En quittant Paris, cet étranger, grâce à son interprète, dit à Catherine « Ma chère enfant, quand vous saurez la langue de mon pays, venez-y, dans le pays, vous y serez reçue comme une reine. » Et il lui laissa son adresse. Peu de temps après, j'appris que Catherine d'Arpajon cherchait un professeur de hollandais. « Vous vous présentâtes ?» Quoique bachelier, je me trouvais alors sans position. Je me présentais. « Vous savez donc le hollandais ?» Ce fut pour moi l'occasion d'en apprendre quelques bribes. « Et cette bonne Catherine, qu'est-elle devenue ?» Je ne l'ai jamais revue depuis. J'ai su seulement que la pauvre petite s'était trompée de langue. Ce n'est pas le hollandais que parlait le planteur, mais le danois. Et qu'est-ce que vous faites maintenant, mon vieux Fléchard ? Actuellement, je suis professeur de gymnastique. De gymnastique ? Oui, monsieur le baron, de gymnastique. Oh, je m'attendais bien à vous voir un peu étonné. J'avoue que votre extérieur ne semble pas vous désigner spécialement à cette branche de l'éducation. Comment diable avez-vous eu l'idée ? Oh mon Dieu, c'est bien simple. À la suite de déboires de toutes sortes, j'ai été devenu neurasthénique. Comment dites-vous cela ? Neurasthénique, monsieur le baron. Les médecins me conseillèrent de faire de la gymnastique, beaucoup de gymnastique, rien que de la gymnastique. Une, deux. Excellent, en effet, la gymnastique. Excellent, oui, mais voilà. Mes modestes ressources ne me permettant pas de me livrer exclusivement à ce sport, j'eus l'ingénieuse idée d'en vivre en l'enseignant, et je m'établis professeur de gymnastique. Ah, ce n'est pas là une sotte combinaison, mais avez-vous réussi au moins ? À Paris, non. Trop de concurrence. Alors je suis venu ici, à Montpaillard. Est-ce que votre aspect un peu chétif ne vous fait pas de tort auprès de votre clientèle ? Pourquoi cela, monsieur le baron ? Aucunement. Il n'est pas nécessaire pour être un bon professeur de gymnastique d'être personnellement un athlète. De même qu'on peut enseigner admirablement la comptabilité sans être pour cela un grand négociant. Votre raisonnement est des plus justes, mon cher Fléchard. D'ailleurs, afin d'éviter le surmenage, le terrible surmenage, je recrute principalement mes élèves parmi les dames et les demoiselles. Quelques-unes sont devenues très fortes et même plus fortes que moi, ce qui... nous ne constitue pas un record imbattable. Ainsi, mademoiselle Arabella, avez-vous vu mademoiselle Arabella au trapèze ? Ah, je l'ai aperçue, mais sans y prêter une grande attention. Vous avez du tort, monsieur le baron. Mademoiselle Arabella au trapèze, c'est l'incarnation de la force et de la grâce. Vous faites bien de me prévenir. La prochaine fois, je regarderai. Le spectacle en vaut la peine. Oui, monsieur le baron. L'incarnation de la force de la grâce. Oh, Fléchard, quelle chaleur! Seriez-vous amoureux de votre élève, comme dans les romans ? Plantez, monsieur le baron. Amoureux de mademoiselle Arabella de Chaville, moi, un humble professeur de gymnastique. Le courrier de monsieur le baron. Vous permettez, mon cher Fléchard ? Je vous en prie, monsieur le baron. D'ailleurs, je m'en vais. Sans adieu, Fléchard. Tous mes respects, monsieur le baron. Monsieur Fléchard, mademoiselle Arabella vous prie de repasser sur le coup de 5 heures pour sa leçon de gymnastique. Il fait une de ces chaleurs. Beaucoup trop chaud pour s'adonner au tennis. Prenez place sur la véranda. Nous y serons bien mieux. Depuis Henri IV, oui, monsieur, depuis Henri IV. À part les jours de marché, il n'y a jamais eu le moindre attroupement dans les rues de Montpaillard. Vraiment ? Oui, monsieur de Haut-Pertuis. Pas le moindre attroupement. Et tant que j'aurai l'honneur d'être le premier magistrat de Montpaillard, il continuera d'en être ainsi. J'aimerais mieux voir ma ville en cendres qu'à la proie du désordre. Vous êtes bien radical, monsieur le maire, pour un conservateur. En matière d'ordre, mon cher Guyoche, on ne saurait être trop intransigeant. Et si vous et votre parti essayez jamais de troubler Montpaillard, vous me trouverez sur votre chemin. Monsieur Guyoche a donc un parti ? Parfaitement. Vous pouvez contempler en monsieur Guyoche le chef du parti révolutionnaire de notre ville. Un parti qui compte 17 membres. Chaque fois que M. Guyoche se présente aux élections, il y a 18 voix à Montpaillard. Les 17 voix des révolutionnaires, plus la sienne. La dernière fois, il n'y a eu que 17 voix parce qu'un révolutionnaire était malade. 17 révolutionnaires sur une population de 10 000 habitants. Oh, il n'y a pas encore péril en la demeure. Mais dites-moi, mon cher Guyoche, quelle drôle d'idée pour un homme bien élevé comme vous de vous mettre dans ce parti-là. Ou comme tous ces pareils, Maître Guyoche n'est qu'un ambitieux. Un de ces ambitieux qui n'hésiterait pas à provoquer des attroupements dans la rue pour devenir quelque chose dans le gouvernement. Pardon, mon cher Dubenoît. Ah non, pas de discussion politique ou religieuse. Parlons d'autre chose. Monsieur le baron, comment trouvez-vous Montpaillard ? D'un ennui, n'est-ce pas ? Mademoiselle, je me permettrai de n'être point de votre avis. Cette petite ville de Montpaillard n'est nullement désagréable, je vous affirme. Depuis une huitaine de jours que je l'habite, je ne m'y suis pas ennuyé une minute. Si vous y étiez comme moi depuis 20 et quelques années, vous parleriez autrement. Enfin, ce qui est fait est fait. Je terminerai ma vie ici entre mes cousines et mon cousin comme une vieille fille. Oh, mademoiselle ! Je parle pour plus tard. Ah, dame ! Il est certain qu'à la longue... Et vous ? Vous allez rentrer à Paris ? Pour quelques jours, avant de partir à la mer. Retrouvez vos amis, votre club, vos maîtresses. Mes maîtresses ? Comme vous y allez ? Ne vous en défendez pas, c'est si naturel pour un homme. Alors, mettons ma maîtresse et n'en parlons plus. Jolie ? Très jolie. Et d'un désintéressement. Vous me croirez si vous voulez, baron, mais je n'ai pas le courage de blâmer ces femmes-là. Moi non plus. Elles n'ont peut-être pas une réputation intacte, mais elles sont déshonorées dans des conditions si charmantes. Et puis, elles mènent une existence pleine d'imprévus et de mouvements, tandis que nous... Le rêve, voyez-vous, baron, ce serait de concilier les vieilles vertus familiales de nos provinces avec une vie un peu accidentée. Mais c'est bien difficile. On finira par trouver une combinaison. Que de fois il m'arrive de songer à tout cela quand je suis seule dans le parc à me promener silencieusement. La solitude m'oppresse. Mon esprit se perd dans des rêves insensés. Un trouble étrange m'envahit. Et alors, qu'est-ce que vous faites ? Je fais de la gymnastique. Je parie qu'Arabella te raconte ses malheurs. Pas du tout ! Mademoiselle Arabella ne m'a pas encore donné cette marque de confiance. Je le regrette. N'écoutez pas Hubert, baron, il se moque de moi. D'ailleurs, ici, tout le monde se moque de moi. On ne se moque pas de toi, Arabella. On te plaisante un peu parce que tu es terriblement romanesque. Mais c'est fort bien d'être romanesque. Toutes les femmes devraient être romanesques. Moi, si j'avais été femme, j'aurais été romanesque. Oui, mon vieux. Mais l'aurais-tu été au point de nourrir pendant 3 mois un prisonnier dans la prison de Montpaillard, de lui envoyer tous les jours un panier de provisions avec du vieux Bourgogne et des cigares de la Havane? Comment, Albert, tu savais? Certainement. Oui, je le savais. Et je t'en parle aujourd'hui uniquement parce que c'est demain le dernier jour du condamné. On va le guillotiner? Non. Le relâcher, tout simplement. Ces 3 mois sont finis. Cette aventure me paraît des plus pittoresques. J'espère que tu ne vas pas raconter à Monsieur de Haut-Pertuis. Si, si. Je vais lui raconter l'histoire, à ta grande honte. Figure-toi, mon cher, qu'Arabella s'est montée la tête pour une espèce de mauvais sujet. N'en croyez pas un mot, baron. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté L'affaire Blaireau, pièce audiophonique adaptée du roman d'Alphonse Allais. Les interprètes: Aldor dans le rôle de Jules Fléchard, Alcadi dans le rôle de l'Anglais numéro 1, André de Gouffroy dans le rôle de Monsieur Devoix, Bruissement dans le rôle de la jeune fille, Carole dans le rôle de Delphine de Cerquigny alias Alice, Christian Martin dans le rôle de Blaireau, du commis greffier et de l'homme 2, Christophe dans le rôle de Monsieur Bluette, Christophe Hubert dans le rôle de Hubert de Chaville, Claude Couveau-Farqui dans le rôle de Madame de Chaville, David Lawrence dans le rôle de l'Anglais numéro 2, Ezwa dans le rôle d'Arabella de Chaville, Fred dans le rôle de Parju, Kael dans le rôle de Placide, K00 dans le rôle d'Augustine, Mario Fecto dans le rôle de l'Homme 1, Nadine dans le rôle de Lucie, Pierre dans le rôle de Victor, Quentin Fauville dans le rôle de Maître Guilloche, René Lepasse dans le rôle du procureur, Sergio Baldelli dans le rôle de Le Rechigneux, Silverson dans le rôle de Dubenoît, Stanley dans le rôle du baron de Haut-Pertuis et Sylvie dans le rôle de la dame. Cet enregistrement est distribué sous contrat Creative Commons et est une production 2010 des Éditions de l'Avenir. Merci de votre attention. À bientôt.